Agenda, page 23. Sixième édition L'Art dans les jardins. Samedi 6 et dimanche 7 mai, une œuvre pour un jardin. Monique Bretéché et Jacques Morin, propriétaires du garage, organisent tous les deux ans, en partenariat avec la ville de Château-Gontier-Bazouges, l'animation L'Art dans les jardins. L'objectif est d'inviter de jeunes talents à exposer et à prendre possession de jardins privés. La population peut ainsi y déambuler le temps d'un week-end. Plus de renseignements sur www.garagedelagare.info. Une photo montre une œuvre métallique arborant un jardin castro-gontérien lors de la manifestation L'Art dans les jardins. Beau dimanche du kiosque. 15e édition des dimanches du mois de mai. La ville de Château-Gontier-Bazouges vous accueille au kiosque à musique les dimanches 7, 14, 21 et 28 mai, sur la promenade de la Résistance, pour profiter d'un moment en musique. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. Voir la programmation en dernière page de ce journal. Fête des voisins. Vendredi 19 mai, rencontrez vos voisins pour cette 18e édition. Tous les ans, la fête des voisins s'organise dans les quartiers de Château-Gontier-Bazouges. Une bonne occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité, rompre l'anonymat et l'isolement. Pour une bonne organisation, la municipalité apporte une aide matérielle, tables, chaises, nappes, gâteaux, t-shirts, affiches, tracts, etc. Si vous êtes intéressé, vous pouvez d'ores et déjà contacter la mairie pour participer. Renseignements et réservations de matériel auprès du service Vie associative au 02 43 09 55 47. À l'occasion de la fête des voisins, un groupe s'est réuni pour partager un moment de convivialité. Course de caisse à savon, samedi 20 mai, rue Razilly. Troisième édition des courses de caisse à savon, organisée par la jeune chambre économique locale de Château-Gontier, Sud-Mayenne. Cette année, le départ se fera en haut de la rue Razilly, en fin de journée vers 17h. Venez encourager les participants. Renseignements 07 86 63 69 21. Coralie Desgoas, présidente de l'association. Braderie des commerçants, samedi 3 et dimanche 4 juin. La traditionnelle braderie des commerçants se déroulera dans l'avenue de Razilly et le centre-ville. Vide-grenier et déballage des commerçants organisé par Castel Plus. Renseignements au 06 73 15 78 25. Amandine de Rouet, manager de ville. Des passants déambulent dans le centre-ville de Château-Gontier pour profiter de la traditionnelle braderie des commerçants. La fête de la musique, mercredi 21 juin. Le centre-ville s'anime au rythme de la musique. Une programmation variée d'animation musicale sera proposée dans de nombreux lieux par la ville, les associations, les bars et restaurants participants. La Chalibaude, samedi 24 et dimanche 25 juin. Le festival La Chalibaude met en scène les arts de la rue et vous invite le temps d'un week-end à profiter d'un instant de rire et de surprise. Au programme, théâtre burlesque, cirque de rue, installation sonore, chorégraphie, fanfare, le tout gratuit. Programme complet sur le site www.chalibaude.fr à partir de fin mai. Vide-grenier, dimanche 2 juillet, la 12e édition du vide-grenier à la Motte Vauvert, organisée par l'association de quartier La Motte. Renseignements 06 75 83 51 51, Nadine Bruand, présidente de l'association. Page 24. Les beaux dimanches du kiosque. 15e édition. Profitez de ces instants de bonheur qui vous changent un dimanche. 5 concerts offerts par la ville de Château-Gontier-Bazouges au kiosque à musique, promenade de la Résistance. Téléphone 02 43 09 55 97. Site internet ville.châteaugontier.fr. Dimanche 7 mai 2017, 15h. Phrasiac, accompagné de Jean-Pierre Fara. Cet auteur, compositeur, interprète, parcourt les routes de la chanson française de sa poésie rebelle depuis de nombreuses années. ses deux maîtres à chanter, François Béranger et Léo Ferré. DJ Hazel, un cocktail musical composite mélangeant musique klezmer, chansons françaises, rythme latin, jazz manouche et un swing à tout rompre, le tout copieusement arrosé d'humour et de dérision. Dimanche 14 mai 2017, 15h. Prisca. Entre rock déglingué et java gouailleuse, Prisca a développé un univers singulier où se tissent rythmes enfiévrés, mélodies entêtantes, accompagnées de bulles intimistes remplies de poésie d'une profonde beauté. Dimanche 21 mai 2017, 15h. Fais pas ci, fais pas ça. Bienvenue au Tout Petit Bal. Arthur Lola et Ornicard vous feront danser sur des airs d'antan humoristiques et réarrangés. Les enfants en découvriront la grande malle de vêtements pour se costumer comme autrefois. Dimanche 28 mai 2017, 15h. Orchestre Albizia. Avec Lionel Naillet à l'accordéon et au chant, Isabelle Tulot au chant et Alain Renard à la batterie et chant, venez danser au son des plus grands titres de Musette.